Les comités de souvenirs du général Kim Jong-il sont constitués les 17 et 19 au Koweït et en Tanzanie, et le comité national roumain pour le souvenir du camarade Kim Jong-il est constitué le 19 au Parti socialiste roumain, ainsi que le comité de souvenirs consacré au 5e anniversaire du décès du camarade Kim Jong-il le 20 en Finlande. Les comités ont décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles à l'éloge de sa vie révolutionnaire sacrée et de ses exploits immortels à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.